Aimez tous les invités Boutia sur la mise en onde. Bonsoir et bienvenue à cette dernière édition de ce dimanche 2 mai 2021, dont voici d'abord les grands titres. À la veille de la célébration de la Journée internationale et de la liberté de la presse, le ministère en charge de la communication et des médias se dit satisfait du pas franchi par le Burundi en matière de liberté de la presse. Vous entendrez au début de cette édition la ministre Marie-Chantal Nijimbele. Et la Baroudi vient de revoir à la hausse les prix de certaines boissons et avance la cherté de la matière première sur le marché international à l'origine de cette hausse de prix. Le collectif des survivants et victimes de massacres de 1972 s'étonne que la justice n'ait pas encore été faite pour punir les auteurs de ces tueries. C'est à l'occasion de la commémoration du 49e triste anniversaire de ces crimes. Et entre-temps, à Bouta de la commune et province Bururi, on a commémoré l'assassinat de 40 séminaristes. C'était en 1997. Et dans la chronique nutrition, on va vous parler de l'importance de la consommation de l'huile de soja. Restez branchés, ce n'était que l'essentiel. Bonsoir. Le Burundi a enregistré des progrès en matière de liberté de la presse. Cela transparaît dans une déclaration du ministère de la Communication, de l'Information et de la Technologie ce dimanche, à la veille de la célébration de la Journée internationale dédiée à la liberté de la presse. Une journée qui est célébrée chaque année le 3 mai. La ministre Marie-Chantal Nijimbele invite les professionnels des médias à profiter de cette liberté pour protéger les intérêts de la population. Je vous propose de l'écouter. Le ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias se joint à tous les hommes et femmes des médias pour célébrer les bienfaits de l'information comme un bien public. La fête est de tous les Burundais, car la liberté de la presse est une liberté dont doivent légalement disposer tous les citoyens. Qui plus est, la liberté des médias n'est qu'une délégation de la liberté d'expression collective, fondement de la démocratie. Le Burundi célèbre cette journée au moment où ceux qui nous observent ont reconnu que des réalisations importantes ont été faites en matière de la promotion de la liberté de la presse, faisant passer notre pays de la 60e position en 2019 à la 140e position en 2020. On commence à reconnaître un peu que la réalité burundaise en termes de promotion de la liberté de la presse préexiste à des regards jusque-là toujours dépréciatifs. Je dis un peu car autrement, l'actif burundais, spectaculairement positif depuis le gouvernement du Burundi a appris à se débarrasser de ce genre de regard pour agir en conformité avec ce qu'il croit être en phase avec ses objectifs. Il a compris, sans se le faire enseigner, que les objectifs fixés ne peuvent être atteints sans le concours des médias. J'appelle donc les journalistes burundais à tenir en considération les critiques constructives pour améliorer leurs prestations. Par contre, à l'instar du gouvernement, ils doivent se libérer du regard de ceux qui leur lancent des critiques acerbes parce qu'ils refusent de servir leurs agendas cachés. Mesdames, messieurs les journalistes, libérez-vous de ce genre de regard. Libérez-vous-en pour être vous-même des journalistes burundais, soucieux de l'intérêt du peuple burundais. Gouvernement et médias n'avons de loyauté qu'envers le peuple burundais. Vous êtes, chers journalistes, des acteurs sociaux et non politiques, dont la mission est la transformation positive de la vie du peuple burundais. Justice traditionnelle à présent, le collectif des survivants des tueries survenues en 1972 a commémoré ce dimanche le 49e anniversaire de cette tragédie. François-Xavier Nsabimana, coordinateur et représentant légal de ce collectif, regrette que les présumés auteurs de ce crime restent impunis. Il demande que justice soit faite et je propose de l'écouter. L'explication que je peux donner par rapport à la tragédie, c'est que en 1972, ceux qui gouvernaient notre pays ont organisé les massacres à allure génocidaire des Hutus à travers tout le pays. Cela a eu pour conséquence non seulement la mort de plusieurs victimes Hutus, mais également un afflux de réfugiés, l'existence des orphelins, des veuves et veufs à travers tout le Burundi. Aujourd'hui que nous commémorons le 40e anniversaire, c'est une occasion que nous avons toujours rêvé de nous souvenir des autres, afin d'exercer le devoir de mémoire. C'est également le moment où la vérité commence à éclater au grand jour à travers les actions que la CVE est en train de mener. Quant à la lumière qui devrait être portée sur cet événement, je dirais que ça demande plusieurs actions combinées. La première action est celle de savoir ce qui s'est réellement passé en 1972. C'est également l'aboutissement à ce qu'il y ait la qualification des massacres commis contre les Hutus du Burundi en 1972. C'est également une lumière qui devrait être apportée pour savoir si les bourreaux sont prêts à demander pardon ou si la justice devrait faire son travail afin de juger les auteurs, surtout les planificateurs et les commanditaires et les exécutants du génocide commis contre les Hutus du Burundi en 1972. Et entre-temps, commémoration ce dimanche du 24e anniversaire de l'assassinat de 40 séminaristes et martyrs de la fraternité à leur sanctuaire au petit séminaire de Buta. Monseigneur Léonidas Nitelka, vicaire général de l'évêque du diocèse catholique de Bururi, qui présidait une messe relative, a appelé les Burundais à prêcher par l'amour et la vérité afin d'éviter de retomber dans une crise comme celle-là, qui a emporté la vie de ces séminaristes. On y reviendra dans nos éditions de ce lundi. Après une courte pause, parlons commerce. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. L'essentiel sur Isanganiro à 18h07 dans les cieux de notre station. Commerce, comme je vous le disais tout à l'heure, la Braoudi vient de revoir à la hausse les prix consommateurs de certaines boissons. Ainsi, la Moustelle 65 centilitres coûte désormais 1900 francs burundais par bouteille. La Moustelle 50 centilitres, 1500 francs burundais par bouteille. La Moustelle Bock 33 centilitres, 1400 francs burundais par bouteille. Et à Mostel Royal, 50 centilitres, 2200 francs burundais par bouteille, tandis que les boissons gazeuses, 30 centilitres, coûtent désormais 800 francs burundais par bouteille. Et c'est depuis la dernière augmentation des prix consommateurs recommandés de ces boissons en 2018. Baoudi donc a fait face à une augmentation importante de ses coûts de matières premières et d'énergie, explique cette entreprise, et par conséquent, elle a décidé de revoir à la hausse les prix consommateurs recommandés selon les explications de cette entreprise. La Baoudi précise également que les prix consommateurs recommandés des autres boissons restent inchangés. Éducation, à présent, plus de 500 élèves ont déjà abandonné l'école en commune Gansoro de la province de Gitega depuis le début de l'année scolaire 2020-2021. L'exemple est du lycée communal de Nyangwa qui a déjà enregistré près de 10 cas d'abandon scolaire, principalement suite à la pauvreté, aux grossesses non désirées et au désintéressement scolaire, comme expliqué par la direction de ce lycée communal et l'administrateur communal de Gansoro. Joseph Sinzoba Shigwako demande aux élèves de sa commune de s'intéresser plutôt à l'école. Christian Xavier pour plus de détails. Au lycée communal Nyangwa de Gansoro, par exemple, 9 cas d'abandon ont été enregistrés depuis le début de cette année scolaire. 2 ont été engrossés, 2 autres ont été enrôlés dans les corps de défense et de sécurité. Les autres sont tombés malades et d'autres causes, explique Bienvenue Abdelimana, responsable de cet établissement scolaire. Actuellement, on a commencé cette année scolaire 2020-2021 avec 261 élèves. Et on arrive à peu près 9 cas d'abandon. Ces causes énumérées par ce directeur sont également avancées par Joseph Sinzobashigwako, administrateur de la commune Yansoro, qui note que dans toute sa commune, plus de 550 ont déjà tourné le dos à l'école depuis l'ouverture de l'année scolaire 2020-2021. Durant cette année scolaire, nous avons déjà enregistré 558 élèves qui ont déjà abandonné. Nous trouvons que ces causes d'abandon sont essentiellement la pauvreté. C'est dû aussi à des maladies, au désintéressement des élèves. Surtout que certains élèves avancent comme prétexte que ceux qui ont déjà terminé les études ne trouvent pas directement du travail et certains élèves sont alors désintéressés et abandonnent leurs études. Cet administrateur communal de Yansoro informe que des comités collinaires regroupant tous les intervenants dans le secteur de l'éducation ont été mis en place afin de trouver solution à ce problème et remettre au banc de l'école les élèves qui l'ont quitté. Merci Christian Xavier. Culture à présent, la comédie au Burundi connaît des avancées même s'il y a amélioré. Alfred Mugenzi, comédien surnommé Kigingi Kirodi, signale que ce métier fait vivre beaucoup de familles. Le manque de moyens financiers et de formation à l'intention des comédiens sont certains des défis auxquels ils ont fait face. Il a dit au moment où le 2 mai de chaque année, le monde célèbre la journée du rire. Suivez plutôt Alfred Mugenzi dit Kigingi. Il s'entretient avec Jean-Marie Mayonga. C'est pas un métier que je dirais très ancien, mais ça commence à venir parce que ce métier a commencé à faire ses premiers pas ici au Burundi, dans une société où je dirais qu'ils comprennent ce que c'est le rire. Les Burundais sont des gens qui aiment se divertir. C'est pour ça que je dis que vraiment ça n'a pas été difficile pour les gens qui font ce métier. Même s'il y a des contraintes comme les mentalités, il y a des gens qui disent la tradition, personne ne peut aller devant des gens parler sans qu'il a donné de quoi boire, tout ça. Mais quand même, je dirais que vraiment, le métier d'humoriste ou comédien, comme les gens aiment le dire, est sur un bon chemin. Le métier d'humoriste, c'est un métier qui se cadre dans le domaine du divertissement, du loisir. Alors, nous savons tous, quand tu veux t'amuser, c'est payant. Si tu veux quelqu'un qui chante pour toi, dans les mariages, dans les cérémonies, tu dois chercher cette personne et le payer. C'est pour ça que je dirais que ça peut faire vivre les artistes qui vont faire ce métier. Nous avons besoin des formations. Nous avons besoin. Même si on dit que le métier d'humoriste, c'est un métier qui fait les gens qui ont ce talent, mais je dirais qu'eux aussi ont besoin des formations. En deuxième lieu, je dirais que nous avons besoin que les gens comprennent ce que nous faisons. Notre place, quelle est notre place dans la société? Parce que faire rire les gens pour la santé, c'est quelque chose de primordial, parce que quand quelqu'un rit, quand quelqu'un rigole, quand quelqu'un s'amuse, ça aide aussi dans sa santé, dans la vie courante, ça améliore sa vie. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Chronique nutrition avec l'huile de soja qui rafraîchit la peau pour celui qui l'utilise comme une lotion, intervient dans la production des spermatozoïdes chez l'homme et prévient le cancer du sang chez la femme. Jean-Paul Ouineda, chercheur nutritionniste, indique que la consommation de l'huile de soja facilite la bonne circulation du sang au merdouaio. Nous avons parlé de différents composants de l'huile de soja la semaine passée. Aujourd'hui, nous vous parlons de ses bienfaits sur la santé humaine. Jean-Paul Ouineza, chercheur nutritionniste, signale l'usage interne et l'usage externe de l'huile de soja. À l'externe, Jean-Paul Ouineza dit que cette huile contrôle la brillance de la peau. Pour l'usage externe, il agit particulièrement sur la peau grâce à sa capacité à hydrater les zones sèches en contrôlant les niveaux d'huile des zones grasses. Cette huile est riche en vitamines, apporte la nutrition, aussi la brillance aux cheveux grâce à sa richesse en vitamine E et aussi à d'autres antioxydants. Il stimule aussi la circulation sanguine et l'est utilisé pour un massage du cuir chevelu. Ce chercheur fait savoir que l'huile de soja est également utilisé à l'externe pour lutter contre les effets de la ménopause aux femmes ménopausées. L'huile de soja restaure la peau et combat les effets de la ménopause. Pour les femmes ménopausées qui ont souvent des peaux sèches, il faut utiliser des huiles de soja. L'huile de soja a aussi des vertus anti-âge. Les ophravones vont empêcher le vieillissement précoce parce que c'est un hormone aussi qui est très utile à permettre que leur santé reste toujours en bon état. Jean-Paul Luineza, chercheur nutritionniste, indique que la consommation de l'huile de soja prévient des cancers du sang chez les femmes et intervient dans la sécrétion du liquide séminal chez l'homme. À l'intérieur, l'huile de soja peut prévenir les tumeurs de l'utérus, soit bénignes ou malignes, cancer du sein et empêche d'avoir une peau sèche. Pour les hommes, prévient contre les problèmes de la prostate. Ça permet à la prostate de pouvoir réaliser ses fonctions. Sans oublier que cet organe, c'est bien lui qui intervient beaucoup lors de l'acte sexuel en produisant des cellules mâles qu'on appelle spermatozoïdes. Cette huile réduit la quantité du cholestérol dans le corps humain, signale toujours le chercheur. L'huile de soja traite ou combat contre des problèmes des artériosclérose. L'huile de soja peut s'utiliser pour combattre la thrombose. Il y en a des personnes qui ont des cholestérol élevés. Là, il faut faire recours à l'huile de soja. Des personnes qui ont un risque de souffrir un infarctus du myocarde ou bien un angine de poitrine. Ce sont des maladies de manque, de la bonne circulation sanguine au niveau des muscles du cœur. Là, il faut faire recours à l'huile de soja. Dans la prochaine chronique nutrition, nous vous parlerons de sa préparation, quantité à consommer et des effets néfastes liés à la mauvaise consommation. Et c'est la fin de cette édition à 18h16 et dans notre studio de la radio Isanganiro. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Emeto Samite Wouti qui l'a mise en onde. Eli Nibel Nibigila, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer une excellente soirée dominicale. Au revoir.